propriétaire du manoir, dans les années 1980, a racheté le manoir qui était très abîmé et qui l'a rénové, qui a fait beaucoup de travaux dedans pour qu'on puisse le visiter. Et donc, il a inscrit, lui, sa devise, espoir de mieux, en disant que lui, il avait fait ce qu'il pouvait pour le manoir et qu'il voulait le transmettre à quelqu'un qui était capable de s'en occuper et de le soigner. Et donc, c'est le parc naturel qui a racheté le manoir pour continuer à le faire vivre. D'accord ? Oui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tympan avec la devise. D'accord ? Donc là, vous avez vu, là, il y a le petit rat hein, qui était sur les photos. Le petit rat. Le petit rat qui est là. Là. Ici. Là. Ah, tu vois ? Vous voyez ? Vous l'avez tous vu ? Oui, là, on l'a. Ah, qui crache du feu à moitié, on dirait. Ouais. Non, peut-être qu'il tire la langue. Bon, c'est des animaux un peu imaginaires, hein, quand même. Hein. C'est pas... Ici, là. Vous voyez ? Sur le bateau. C'est ça. C'est ça. D'accord ? C'est là, ça. Vous avez aussi d'autres petites décorations avec les flèches. Là, c'est des pinacles. Ça s'appelle des pinacles. C'est des choses vraiment pour aller vers Dieu, comme ça. Et alors, est-ce que vous avez remarqué, là-haut, ce que c'est ? Là, dans le coin, vous voyez, vous suivez là, le long du mur, vous regardez tout en haut. Et là, bébé. Qu'est-ce que vous voyez ? Un bébé. C'est un bébé de... Non, pas de Jésus. C'est Jésus ? Non. Un bébé. Non, c'est juste un petit bonhomme, en fait. On ne sait pas trop pourquoi il est là, ce qui... C'est imaginaire. C'est un peu imaginaire, on pense que c'est un peu une blague, parce que qu'est-ce qui nous fait voir ce petit ses monsieur fesses. Il nous fait voir ses fesses, voilà. Donc, c'est, on pense que c'est une petite plaisanterie c'est pour ceux qui ont construit c'est le manoir. C'est ça, Lisa. Vous voyez tout en haut, là ? Oui. En bas de la tourelle, en fait. Rien. Non ? Alors là, je peux pas vous faire... Faut, ah, si, faut suivre, en fait, le, ah, si, le oui, point, là. Et tout en haut, ouais, en bas de la tourelle. Ah oui, ok. Viens voir, c'est lui. Voilà, si vous voulez vous approcher, tout peut-être en... Haut, en... Là, peut-être montre ses fesses. Ouais. Non, on voit pas. Mais il n'y était pas sur la photo. C'est juste parce qu'il n'est pas facile à trouver, alors on l'a, ouais. On l'a pas mis. Et là, là, mais appelé là, là, là, là, partout. Ouais, si, ça c'est les fleurs. Vous voyez, c'est les fleurs qui sont moi ici, là. Trouvé, hein. Sur le tympan, ouais. C'est ces fleurs-là. D'accord ? C'est moi qui l'avais trouvé. Là, là, là, là. Alors ça, c'est ailleurs. On le verra. Non. Ah bah non, c'est juste là, en fait, c'est des petites ouvertures comme ça, dans le bas des murs. Je vais vous expliquer pourquoi après. Il est là. Ah oui, oui, oui. Et moi, j'ai trouvé ça. C'est moi qui l'avais trouvé, celle-là. Donc là, après... Les enfants. Vous venez pas visiter les enfants ? Eh oh.